Cet épisode de podcast a été réalisé dans le cadre du Forum des ruralités engagées pour échanger avec les nouveaux acteurs du développement local et découvrir les initiatives solidaires et ingénieuses qui germent dans les territoires ruraux. Cet événement a été organisé par Village Vivant en partenariat avec l'AVISE, Agence d'ingénierie pour entreprendre autrement, et le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Malheureusement, le forum n'ayant pu se tenir en présentiel en raison de la crise sanitaire, la majorité des ateliers ont été dématérialisés en visioconférence. Les témoignages prévus initialement, quant à eux, ont été enregistrés par La Traverse. Nous vous les livrons aujourd'hui au travers de ce podcast. Nous y tendons le micro à des porteurs de projets locaux qui œuvrent à faire vivre les territoires ruraux. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous rencontrons Florence Delisle-Hérard pour Habitat des Possibles. Habitat des Possibles est une association qui accompagne la création et la mise en œuvre d'habitats partagés et inclusifs pour des retraités dans des communes rurales. Dans cette rencontre, nous avons parlé de l'implication des retraités dans l'élaboration de chaque projet d'habitat et de l'intérêt de développer ces projets dans des territoires ruraux. Bonjour Florence. Bonjour Solène. Merci d'avoir accepté de réaliser cet entretien. Je vais commencer par une question assez simple. Est-ce que tu peux te présenter personnellement et est-ce que tu peux présenter le territoire sur lequel tu travailles aussi ? Florence Delisle-Hérard, je suis donc la fondatrice d'Habitat des Possibles. J'ai un parcours qui vient plutôt de l'économie sociale et solidaire, ma dernière expérience étant dans le réseau France Active. Et j'ai entrepris sur le territoire de l'Entre-deux-Mers, qui est à l'est de la Gironde. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce territoire, qu'est-ce qu'il représente pour toi et quels sont les enjeux que tu vois sur ce territoire ? Très simplement, c'est mon territoire d'habitation. Il me semblait important de pouvoir développer un projet en fonction des besoins que je constatais à un endroit donné et sur une problématique qui me tenait à cœur, qui est celle du sens qu'on peut vouloir accorder à sa vieillesse, ou en tout cas à la dernière partie de sa vie. Et une des questions qui pouvait se poser sur ce territoire, c'était le manque d'offres possibles pour les retraités d'ici, entre les domiciles individuels qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins et aux désirs qu'on peut avoir sur cette période de la vie et les institutions. Est-ce que tu peux préciser un peu plus, du coup, les constats que tu as faits sur ce manque, sur ce besoin qu'il y avait sur ce territoire et expliquer comment ça a engagé le projet que tu mènes aujourd'hui avec Habitat des Possibles ? Alors le constat qu'on a fait, il est partagé à de nombreux autres territoires ruraux, c'était de se dire, quand on est retraité, qu'on n'est pas forcément bien dans son domicile individuel, on va avoir, et c'est vrai particulièrement chez nous, un choix qui est extrêmement limité. D'une part, il y a des structures d'accueil institutionnelles qui ne correspondent pas forcément à l'autonomie qu'on a encore, qui ne correspondent pas forcément au désir qu'on a de rester en action, utile, en lien avec les autres, en centralité. Et donc le sujet, c'était vraiment de se dire quels sont les maillons qui manquent. Il en manque plein. Il peut y en avoir qui sont sur de l'habitat participatif, il y a des gens qui sont plutôt attirés par la cohabitation intergénérationnelle, il y a des gens qui sont simplement dans une logique d'habitat regroupé. Parmi tous ces maillons, on a choisi de mettre en œuvre celui qui nous touchait le plus. Qui est lequel, du coup ? Qui est donc la question de l'habitat partagé pour retraités. Donc là, l'autre façon dont on travaille, c'est qu'en fait, on rassemble des retraités d'un territoire donné avec l'aide des communes qui souhaitent accueillir ces projets et des acteurs ressources qui y sont déjà et qui travaillent avec des retraités pour voir avec eux les attentes qu'ils peuvent y avoir. Si ces attentes correspondent à ce qu'on est capable d'accompagner, on continue avec eux, sinon on s'arrête. Et on travaille avec donc ces retraités sur deux sujets. D'abord sur la question architecturale, c'est-à-dire quels sont les espaces que j'ai envie de partager avec d'autres, parce qu'à travers les espaces que j'ai envie de partager avec d'autres, il y a les temps que j'ai envie de partager avec d'autres, et puis quels sont, à travers les temps que j'aimerais partager avec d'autres, ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai pas envie de vivre. Donc on va définir en gros un projet social et puis un cahier des charges architecturales, pas à pas, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur du collectif et sur du participatif, mais qui vont y aller pas à pas et en général via le groupe, prendre du temps et du plaisir pour s'apprivoiser. Pourquoi c'est important de lier à la fois l'architecture et le lien social, enfin les usages sociaux des bâtiments ? Bah pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on produit très facilement en France de beaux bâtis qui ont l'air ergonomiquement très intéressants, qui peuvent être super bien équipés et qui en fait ne vont pas forcément correspondre aux besoins des usagers. C'est encore pas la majorité et pas la norme de se poser sur le point de vue des usagers, je vais y arriver, pour essayer de construire des bâtis adaptés. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est en travaillant sur les usages au quotidien. Les usages, c'est un mot savant pour dire comment est-ce que j'habite et comment je déambule dans un espace et est-ce que ça correspond à mes besoins. C'est bien en travaillant sur ces usages qu'on commence à se livrer, qu'on commence à se dévoiler sur un sujet qui peut être assez anodin. Hein. Comment est-ce que j'utilise ma cuisine ? Est-ce que je veux qu'elle soit ou pas ouverte sur la salle à manger ? Et en fait, à travers ça, on va quand même aller dans le quotidien et permettre de tomber un peu les masques et donc de commencer à rencontrer les autres. Et donc peut-être de faire bouger peut-être un peu ces préjugés sur tout ce qui n'est pas mon domicile individuel. Parce qu'il y a vraiment un besoin de rouvrir le champ des possibles sur le futur quand on est retraité. L'âgisme fait que parfois les représentations de la vieillesse ne sont pas très encourageantes et les retraités ont parfois l'impression qu'on veut leur vendre à tout prix des solutions, ce qui peut être le cas, mais ce qui n'est pas le nôtre, qu'on veut à tout prix leur vendre des solutions qui ne correspondent pas à leurs désirs, qui ne correspondent pas à leurs besoins, et du coup si ce n'est pas attractif, je ne veux même pas regarder. Voilà, donc du coup, ces ateliers, ils servent à passer des bons moments avec les autres, à les découvrir et peut-être à commencer à faire un bout de chemin pour essayer de regarder l'habitat d'une autre partie de ma vie de façon positive. Est-ce que ce besoin-là, pour toi, il est spécifique aux territoires ruraux ou est-ce qu'il se retrouve également en ville ? Alors, il se retrouve également en ville. Le choix du territoire rural, il a été fait pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est là qu'on y est. Pourquoi aller entreprendre ailleurs ? Et la deuxième raison, c'est une volonté de justice aussi pour les territoires ruraux. Si on attend gentiment que les innovations qui sont développées dans les milieux urbains arrivent dans nos territoires ruraux, ben on peut attendre assez longtemps. Donc on a vraiment fait le choix de travailler des méthodes et un concept qui est d'abord calé sur les réalités rurales. Et puis on verra si on va un jour dans les milieux urbains, mais notre objectif, il est plutôt d'aller sur les territoires où les maillons ne sont pas suffisamment denses. Donc à Habitat des Possibles, votre rôle, c'est un peu un rôle de médiation entre les collectivités, les architectes et les personnes âgées. Est-ce que c'est un peu ça le métier ? Comment tu perçois ton rôle dans tout ça ? Effectivement, notre métier, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre à partir du moment où il y a un désir d'aller vers un projet d'habiter un territoire pour cette population qu'on a définie comme étant prioritaire, qui étaient les retraités. Et effectivement, l'objectif, c'est d'être un peu la plateforme tournante de l'ensemble de ces compétences-là. Donc l'objectif est à la fois d'amener les retraités à se positionner sur ce qu'ils désirent, d'amener les communes à aller chercher ces retraités, à mettre les moyens en face des désirs de leurs ressortissants pour combler les maillons, de mettre les professionnels comme les architectes, mais il y en a d'autres, en position de répondre à ces besoins sur le plan technique, de mettre les financeurs en connexion avec les besoins de ces territoires et ces projets qui ne vont pas forcément être connectés immédiatement. Donc oui, effectivement, notre rôle, il est vraiment de faire le lien entre tous ces acteurs-là. Et d'un point de vue métier, du coup, on s'y retrouve aussi, c'est-à-dire qu'on a développé tous les métiers que n'avaient pas les communes pour mettre en œuvre ces projets-là. Donc ça va évidemment de la facilitation sociale et d'actions de mobilisation locale assez pointues à l'assistance à maîtrise d'usage. Et en fait, on fait aussi du montage d'opérations de A à Z. Selon la taille des communes et selon les compétences qu'ils ont en interne, on peut aller très loin pour les appuyer et faciliter ainsi la réalisation des projets. Alors, tu dis nous, vous êtes plusieurs dans cette aventure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la structure et du nombre de personnes qui gravitent autour de ce projet et comment vous fonctionnez ? Et c'est peut-être justement ce besoin de compétences diverses qui rassemble une équipe ? Oui, tout à fait. C'est même un constat de départ. Les fondateurs de la structure viennent de trois types de milieux et ça, on se retrouve toujours un petit peu dans ce triptyque, que ce soit au niveau de l'équipe salariée, au niveau des bénévoles ou au niveau de notre réseau de partenaires. Donc on a des parties prenantes qui viennent du milieu du BTP et de la construction, des parties prenantes qui viennent plutôt du métier du soin ou du sanitaire ou du social, et d'autres enfin qui viennent plutôt de la culture économie sociale et solidaire, gestion de projets multipartenariales. Et c'est vrai que l'équipe aujourd'hui salariée est composée de trois profils de ce type, avec une urbaniste, une personne qui vient de la gérontologie, de la psychologie et de la recherche, et puis moi-même qui vient plutôt de l'économie sociale. Et ça se retrouve vraiment au niveau des 10 bénévoles très impliqués aujourd'hui dans la structure, et au niveau de notre réseau partenarial qui recouvre aussi ces champs. Aujourd'hui, vous travaillez déjà sur des territoires. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur ces projets et comment ça évolue ? Alors, on travaille aujourd'hui sur deux territoires qui permettront de voir deux habitats sortir de terre, ou plutôt être rénovés, sur le territoire de Lestiac-sur-Garonne, qui est donc près de Langoiran, entre deux mers en Gironde. On va être sur une commune d'environ 500 habitants. Qui a fait le choix de mettre à disposition son foncier constitué d'une bâtisse ancienne sur lequel on va également construire un bâtiment neuf pour lier les deux bâtiments existants, qui sont les anciens bureaux de la communauté de communes, une communauté de communes qui a été dissoute suite à la loi NOTRe et qui pourtant portait un très beau projet de territoire, très social, très ancré sur les dynamiques collectives. Donc là, on est sur un projet qui est porté par la commune. C'est elle qui porte l'opération économique, financière, et du coup en partenariat avec Habitat des Possibles. C'est un projet qui arrive sur la phase chantier. On est en train de choisir les artisans et va pouvoir poser la première pierre début 2021. Sur le territoire de Castillon-la-Bataille, donc on est à la limite de la Dordogne, un peu plus au nord du département. On est sur un territoire qui est en redynamisation avec une action politique assez volontaire de l'équipe municipale en place. Donc là, on s'inscrit dans un programme qui est plus large, hein, de revitalisation, qui fait la part belle au projet d'économie sociale et solidaire. Et là, on est vraiment sur la réhabilitation d'une maison de centre-bourg, qui va accueillir des retraités du territoire qui là aussi sont impliqués, hein, depuis le départ sur le projet. Et là, on va travailler en partenariat avec un bailleur social qui est en train de finaliser sa délibération. Donc on doit pouvoir officialiser tout ça en janvier 2021. Et qu'est-ce que c'est un peu l'intérêt des villages qui vous sollicitent ? Alors déjà, peut-être comment vous les trouvez, ces villages, et qu'est-ce qu'eux voient dans ce projet ? Alors je pense qu'il faudrait leur poser la question, ce serait évidemment plus intéressant que ce soit à travers leur voix directement. Alors comment on les trouve ? Il y a une grande part de bouche à oreille, bien sûr, et puis ensuite on mène un appel à territoire, on a mené un appel à territoire, il vient de se clôturer au 30 septembre, pour identifier les communes qui souhaitent travailler en partenariat avec Habitat des Possibles. Ce qu'elles viennent chercher, manifestement, c'est d'abord un projet qui a du sens, qui prend le temps de travailler avec toutes les parties prenantes que j'ai identifiées précédemment et qui, du coup, prend ce temps aussi de la co-construction. Donc c'est vraiment le point commun des différents élus qui font appel à nous, et ils ont des profils très variés. C'est vraiment d'avoir envie de prendre ce temps de la co-construction avec un territoire plutôt que d'avoir un projet clé en main sur lequel l'équipe a finalement juste à signer un chèque. Là, on est vraiment sur de la co-construction avec eux. Et je pense que c'est ça qu'ils viennent chercher. Après, il faudrait leur poser la question directement. Il y a certainement aussi la question des compétences. À partir du moment où on fait le choix d'aller sur des communes qui ne vont pas forcément être pourvues d'immenses services techniques, au-delà de la question du foncier et du sens du projet, on a vraiment des équipes qui cherchent à comprendre quelles sont toutes les compétences qu'on peut leur apporter pour que ce soit tenable pour eux jusqu'à la fin du projet. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui te plaît dans ce projet ? Moi, j'ai énormément travaillé, plaisir à travailler en collectif sur ce projet. On est depuis le début sur une dynamique innovante qui fait que c'est très facile de mobiliser d'abord une équipe de bénévoles, ensuite une équipe de partenaires. On est quand même très bien accueillis partout où on va, donc on travaille dans une ambiance extrêmement constructive et stimulante. On a aussi beaucoup de plaisir à essayer d'aller toujours un peu plus loin au niveau qualitatif, donc je pense qu'on Voilà, on est dans la co-construction en équipe restreinte, bénévoles, salariés, mais aussi avec nos partenaires et toujours vers quelque chose qui se veut le plus humain possible. Donc c'est gratifiant à titre personnel, professionnel et ça reste tout chaque jour plein de surprises. Donc c'est une aventure que je recommencerais si j'avais à le faire. Sur qui est-ce que vous arrivez à vous appuyer? Est-ce qu'il y a des personnes ou des partenaires ressources qui vous ont aidé et comment dans cette construction de l'association? Alors, je ne vais pas citer tous les partenaires très territoriaux avec lesquels on a travaillé, d'abord parce qu'ils sont spécifiques à chaque bassin de vie, mais c'est la première clé, c'est-à-dire pour s'ancrer sur un territoire, c'est vraiment le faire avec les gens qui sont déjà là et vérifier qu'ils ont envie d'accueillir un projet comme celui-là. Donc là, ce serait un peu long de les citer. Sur le plan technique, on s'est toujours tourné vers les organismes d'accompagnement de notre territoire ou d'ailleurs un petit peu plus loin. Je ne peux pas ne pas citer ATIS, par exemple, ou l'association ADI, l'Agence pour le développement et l'innovation de la région Nouvelle-Aquitaine, mais il y en a d'autres. Et après, au niveau des financeurs, effectivement, on a eu un vrai soutien et une vraie confiance de la part de beaucoup d'acteurs au démarrage. Ça se poursuit d'ailleurs. Sans lesquels on n'aurait pas pu faire tous ces tests, on n'aurait pas pu élaborer toutes nos méthodologies, on n'aurait pas pu capitaliser au fur et à mesure, on n'aurait pas pu développer ces nouveaux projets. Donc oui, ce soutien a été essentiel et ils viennent de plusieurs champs. Hein. Il y en a eu un soutien de fondations dès le départ, je pense à la Fondation de France ou à la Fondation Agir Sa Vie, mais la Fondation Massif, hein, il y en a eu plusieurs. Les caisses de retraite nous ont soutenus au démarrage. Malakoff Humanis, qui reste un partenaire privilégié, AG2R La Mondiale, nous a soutenus ponctuellement. Et puis, bien sûr, les collectivités locales. La région Nouvelle-Aquitaine nous fait confiance depuis le début et nous renouvelle sa confiance régulièrement. Le département de la Gironde est partenaire depuis un long moment également, mais il y a aussi eu voilà, l'État, l'Europe et d'autres acteurs que j'oublie là ou qui viennent soutenir non pas l'association Habitat des Possibles mais les communes qui s'engagent dans des projets comme cela. Et effectivement, si on n'avait pas cette fédération de financeurs autour de la table, on n'arriverait pas à monter les projets tout simplement. Et puis derrière les personnes morales qu'elles représentent, il y a des personnes physiques qui très concrètement cherchent à faciliter la réalisation des projets, la levée des obstacles au quotidien. Tu disais donc tout à l'heure qu'il y avait un déséquilibre et que beaucoup de territoires n'avaient pas l'ingénierie pour mettre en place ces projets. Il y a aussi, j'imagine, un manque financier de ces territoires. Est-ce que vous apportez cette solution-là aussi, en fait, quand vous proposez votre projet ? Oui, bien sûr. Effectivement, sur la question financière, il va y avoir pas forcément un manque de possibles pour ces communes-là, mais pas forcément la connaissance du réseau pour pouvoir y accéder, ou le temps, ou les compétences pour pouvoir remplir la multitude de dossiers qu'il a fallu pour faire germer le premier projet, par exemple. Quand on est une commune de 500 habitants et que un projet d'un million d'euros ne sera de toute façon pas tenable d'un point de vue endettement et puis que c'est pas souhaitable pour qu'il reste accessible aux retraités auxquels il va bénéficier, oui, il faut faire de la levée de fonds. Et cette levée de fonds-là, c'est bien sûr nous qui l'avons faite au nom de la commune et qui permet à l'ensemble des acteurs, à l'arrivée, d'être satisfaits et autour de la table. En fait, on en revient à un manque d'ingénierie, finalement. C'est un manque d'ingénierie pour aller chercher des financements. Est-ce que toi, tu vois d'autres solutions? Et est-ce que, en fait, la multiplication des acteurs comme toi qui font la transition entre les collectivités, leurs projets et les modes de financement, c'est un peu aussi l'avenir du développement local et du développement territorial? Oui, il y a certainement quelque chose à créer entre les acteurs de la ruralité engagée et ceux qui les accompagnent pour voir comment les communes rurales, d'une part, et les partenaires qui sont à leur côté dans leur projet quotidien accèdent effectivement à des financements. Il y a effectivement un sujet autour de ça. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'engagement? Comment tu le vis et est-ce que tu te considères engagé? Est-ce que Habitat des Possibles, c'est un projet engagé? Je crois que l'engagement, il est très simple. Hein. Il est de situer là où il y a des choses à améliorer et après de se mettre en mouvement pour essayer de les résoudre. Pour moi, l'engagement, c'est avant tout une posture physique. Hein. C'est où est-ce que je porte ma vision et dans quelle direction je mets mon corps en marche, mon corps personne morale, mon corps personne physique aussi. Et ensuite, effectivement, quelle énergie j'y mets pour aller atteindre l'objectif et puis faire en sorte qu'on essaye d'y arriver à plusieurs. Donc voilà, pour moi, l'engagement, c'est avant tout une mise en mouvement vers un objectif d'utilité sociale. Et alors, la dernière question, qu'est-ce que c'est pour toi la ruralité ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question sans être simplement dans le négatif de l'urbain. Pour moi, la ruralité, c'est avant tout un maillage de petites communes. Quand je dis petites, on va être sur des échelles, évidemment, de très petites communes à 200 habitants jusqu'à des communes à... Moi, je dirais 5-10 000, mais au-delà de 5 000, on commence à vraiment rentrer dans des démarches urbaines. Donc pour moi, c'est surtout une question de taille, une constellation de territoires avec chacun ses spécificités. Du coup, une constellation de besoins et de cultures qui vont coexister les unes à côté des autres. Et voilà, il va émerger de certaines de ces poches de ruralité, des projets, des envies, des besoins qui vont être un peu différents d'un territoire à l'autre. Donc pour moi, ce serait un peu ça, je pense, une constellation d'univers de petite taille, mais qui, en général, vont fonctionner en réseau. Super. Bah, merci beaucoup, Florence, pour cet entretien. Avec plaisir. Nous espérons que ce témoignage vous a plu, qu'il vous a inspiré, questionné ou qu'il vous a donné envie de vous engager. Pour aller plus loin et mieux connaître Habitat des Possibles, nous vous glissons plus d'infos en description de l'épisode. Nous remercions également tous les partenaires du forum sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir, même dans ces conditions particulières. La Fondation La France s'engage, la Fondation RTE, l'Agence nationale de cohésion des territoires, la Banque des territoires, la Fondation Massif, la Fondation Crédit Coopératif et le groupe La Poste. Retrouvez toutes ces informations et plus encore sur www.villagevivant.com.